Pourquoi y a-t-il de l'irréparable ? Quand quelque chose est cassé ou brisé dans tous les domaines de notre vie, nous faisons appel à une idée qui nous paraît simple, qui est celle de réparation. Pourtant, est-elle applicable dans tous les domaines ? Il y a certains domaines où nous sommes portés à reconnaître quelque chose de l'ordre de l'irréparable. Mais avant de passer à la dimension morale et politique, inévitable de cette dimension de l'irréparable, par exemple pour les grandes injustices, pour les grands crimes passés, par exemple la mémoire de l'esclavage qui s'est prolongée pendant 400 ans sur les côtes de l'Afrique par la traite occidentale négrière, comment, avant de passer donc à ces extrêmes de l'irréparable, il faut comprendre pourquoi, en effet, il y a une différence entre ce qui est réparable et ce qui, de toute évidence, ne l'est pas, peut-être parce que cela ne relève pas tout simplement de l'idée même de réparation. Qu'est-ce qu'implique en effet l'idée de réparation ? L'idée de réparation dans notre esprit, presque irrésistiblement, dans notre esprit de technicien, dans notre esprit de mécanicien, l'idée de réparation a justement quelque chose de mécanique. La panne, l'avarie, c'est quelque chose dans une machine qui est un agencement de pièces qui implique d'isoler un problème local, de le traiter séparément, de remplacer par exemple une pièce défectueuse dans une machine, dans une voiture, dans un ordinateur, peut-être aussi parfois dans le corps humain, et ce remplacement fait qu'il y a réparation, et voilà, la machine peut repartir exactement comme avant. L'idée de réparation a quelque chose d'irrésistiblement mécanique, et c'est un modèle important puisque nous pouvons colmater, nous pouvons réparer, nous pouvons mettre une rustine sur un pneu crevé, nous pouvons remplacer le pneu et repartir sur notre vélo. Mais déjà Georges Canguilhem, dans sa philosophie de la maladie et de la vie, nous avait appris que le corps humain, le corps vivant en général, ne se répare pas comme une machine, qu'il ne suffit pas de remplacer une pièce, que guérir, ce n'est pas justement réparer, qu'on ne revient jamais à l'état antérieur, qu'un organisme n'est pas comme un assemblage de pièces séparées, mais a toujours un effet global de la maladie qui le change de la santé et que même le retour à la santé n'est pas exactement la réparation du même. Il y a donc déjà une complication introduite par le vivant qui ne peut pas se réparer mécaniquement. Mais c'est sans doute une dimension de plus qui s'introduit dans les relations humaines. Au-delà même de la maladie du vivant, la rupture d'une relation humaine, la violence, le tort fait à l'un par l'autre ne peuvent pas se réparer exactement comme l'avarie d'une machine purement mécanique et d'une pièce que l'on va remplacer. L'idée de réparation est donc peut-être structurellement défectueuse pour penser les brisures dans les relations humaines et dans les êtres vivants. Qu'est-ce qui pourra alors la remplacer ? Pourquoi y a-t-il quand même des degrés dans l'irréparable ? Penser l'irréparable, c'est penser ce qui est au cœur de nos vies pour essayer d'y répondre.